endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps. La vie sûrement plus d'un million d'années est toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Ah, ça y est, t'as l'orage qui arrive chez toi? Moi, il y a eu un coup de tonnerre, mais sans plus, ça n'a pas bougé encore.